بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ففي الدرس السابق أخذنا مشروعية On a pu prendre le sujet relatif à la légalité du groupe durant les nuits nocturnes et que ceci était tout à fait légiféré. Aucun des ulama a interdit cela. Cependant, ils ont juste divergé sur al-afdaliya, lequel des deux est mieux. Est-ce de prier individuellement durant les nuits de Ramadan ou bien de prier en commun? Comme on a pu voir, si on se penche sur le critère du nombre, c'est meilleur de prier en commun. Car le prophète a évoqué que celui qui prie en commun avec l'imam, ça sera l'équivalent au fait d'avoir veillé une nuit dans son intégralité. Mais si jamais on regarde sous un point de vue de concentration sur le critère de la concentration, dans ce cas-là, on regardera dans laquelle des deux, dans la prière individuelle ou bien en commun, il trouve le mieux la concentration dans laquelle il est plus à même de pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a évoqué Al-Hassan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dans ce cas-là, il a dit tu choisis celle qui est dans laquelle tu vas ressentir une crainte pour ton cœur ou jalla qalbika. Qala wa ahsana li tunqidhaka, et celle qui te gardera le mieux en éveil. Fahada huwa sahih. Car des fois comme on a pu évoquer, certains des imams, Allah yahdihim, c'est un peu trop rapide. Il y a une belle récitation, mashallah. Lakin, c'est trop rapide dans les recours et sujouds, t'as même pas le temps d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est trop rapide. Fahawna nansah, d'essayer de se conformer à la sunna du prophète, alayhi salatu wasalam. Donc, il faut essayer du mieux qu'on peut, de se conformer au descriptif des prières du prophète, alayhi salatu wasalam, pendant les nuits de Ramadan. قال رحمه الله تعالى قال السبب في عدم استمرار النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة فيه. Il va nous évoquer la cause, pour laquelle le prophète عليه الصلاة والسلام n'a pas continué à prier en commun avec ses compagnons. Et fait le haqiqa, on a pu le voir à travers le hadith, de peur que ça devienne une obligation sur eux. قال إنما لم يقم بهم عليه الصلاة والسلام بقية الشهر خشية أن تفرض عليهم صلاة الليل في رمضان. Il nous évoque, rahimahullah ta'ala, que la raison pour laquelle le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas présidé les prières de nuit en commun dans le reste du mois de Ramadan, de peur que salat al-layl fi Ramadan devienne obligatoire. Qala fayya'jizu anha, et de peur que ensuite ils ne soient pas assidus à cela, et qu'Allah azza wa jalla ensuite les châtie, parce qu'ils auront délaissé une obligation. Qala kama ja'a في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما. Le hadith qui évolue c'est قالت عائشة رضي الله عنها إن كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. Elle nous dit que le prophète عليه الصلاة والسلام parfois délaissait certaines œuvres alors qu'il aimait les mettre en application de peur que les gens s'identifie à cela et qu'ils les appliquent, et ensuite Allah Azza wa Jal rend cela sur eux obligatoire. Donc il délaissait cela par peur que ça devienne une obligation et qu'ensuite il n'ait pas la possibilité d'être assidu dans cela. Et le hadith, comme il a évoqué, il fait sahihain Bukhari wa Muslim. Qal wa ghayrihima, et dans d'autres recueils que Muslim al-Bukhari, comme on a pu voir dans le hadith précédent, dans le cours précédent, que le prophète, alayhi sallallahu alayhi, lorsqu'ils sont venus, ils ont jeté des petits cailloux à la porte pour lui faire remarquer qu'ils étaient devant la porte. Fait, le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, est sorti, en colère, et il a dit, ma zala bikum sani'ukum hatta zanantu an tufrada alaykum. Vous n'avez eu de cesse à observer cette affaire-là, jusqu'au point où j'ai craint que la prière nocturne va devenir une obligation. Donc c'est pour ça que je ne suis pas sorti certaines nuits. Voilà la raison pour laquelle le prophète ﷺ n'a pas observé la continuité de présider la prière en commun, de peur que ceci devienne une obligation et qu'il n'ait pas la force de pouvoir être assidu. قال رحمه الله تعالى قال وقد زالت هذه الخشية بوفاته صلى الله عليه وسلم بعد أن أكمل الله الشريعة. Il dit maintenant cette crainte qu'avait le prophète عليه الصلاة والسلام est disparue car le prophète est mort et Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé sur lui la religion. Donc il n'y a plus de crainte. Ce qu'il redoutait n'est plus à craindre car la religion est parachevée. Donc le statut de la prière de Qiyam Ramadan, des prières durant les nuits de Ramadan ne peut pas changer car Allah Azza wa Jalla a parachevé sa religion. Donc le statut juridique de cette adoration là ne pourra pas devenir une obligation. قال وبذلك زال المعلول. Donc à partir de ce moment là ce qui l'empêchait de pouvoir présider les prières nocturnes de manière continue n'est plus présent. قال هو ترك الجماعة في قيام رمضان, qui est le fait de délaisser la prière en commun durant les nuits de Ramadan. قال فبقي الحكم السابق وهو مشروعية الجماعة. Donc il y en a le jugement, le statut juridique est resté lui par contre, qui est que c'est légiféré de pouvoir prier en commun, car le prophète عليه الصلاة والسلام l'a fait pendant trois nuits, il l'a fait avec ses compagnons. Mais de peur que ça devienne une obligation, donc il l'a délaissé certaines nuits. Et nous dit le statut juridique de cette adoration-là, par contre, lui n'a pas été, il ne change pas, il est tel quel, qui est que c'est tout à fait légal de pouvoir prier en commun. قال ولذلك أحياها عمر رضي الله عنه كما في الصحيح البخاري. Et c'est pour ça que Omar رضي الله عنه, il a eu la bonne idée et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le tawfiq, la réussite de vivifier et de redonner vie à cette sunna qui est de pouvoir prier en commun pendant les nuits de Ramadan. Donc la cause qui a empêché le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam de prier tout le mois de Ramadan avec ses compagnons en commun, c'est que il a eu peur que ceci devienne une obligation et qu'il n'ait pas la force de pouvoir être assidu dans cela et qu'il se fasse châtier car ça sera une obligation qu'ils auront délaissée. Fa nas'alla Allah subhanahu wa ta'ala yanfa'ana wa iyyakum bima sami'na.